سنبدأ اليوم إن شاء الله تعالى في كتب المدينة لغير ناطقين باللغة العربية. طيب إن شاء الله aujourd'hui on va commencer le livre de Médine. Ce sera le volume 1. طيب إن شاء الله. الدرس الأول. طيب. La majorité, je pense que tous les frères savent lire là, إن شاء الله. Hein? طيب. Là, tu peux ouvrir le cahier. Le dors d'aujourd'hui c'est Hada. Comment? Ah. Très bien, Inch'Allah. Il n'y a pas de problème. Non, il n'y a pas de problème. Barakallahu fikoum. Si, si, on peut se rapprocher un petit peu. Tu vois? Hada wa ismi Shara. ما يدل على شيء معين بواسطة إشارة. طيب هذا le dors d'aujourd'hui ça parle de quoi? De هذا اسم إشارة en quelque sorte c'est quoi? C'est comme on l'utilise pour quoi? C'est l'intermédiaire pour quoi? Pour faire un signe vers une chose. C'est compris ça? Par exemple je dis هذا ولدون. C'est compris? هذا ولدون. On l'utilise pour quoi? Pour une chose qui est proche مذكر مفرد masculin singulier. Tu ne dis pas, par exemple, « Hada bintun ». C'est compris? C'est Mohamed? « Hada » Hada, c'est quoi, c'est ism? « Ismishara ». Ismishara. Hein? « Asharto ilashi », c'est-à-dire quoi? Faire un signe vers une chose. D'accord? Voilà, si tu veux écrire. Voyez? Ça veut dire, le « Ismishara », c'est quoi? C'est l'intermédiaire entre toi et la chose vers laquelle tu vas faire un signe. Tout le monde a compris ça, Inch'Allah? Et هذا on l'utilise pour quoi? Barakallahu fikoum. Pour un quoi? Ism mufrad mudhakkar. C'est-à-dire quoi? Pour un nom singulier masculin. D'accord, je répète. هذا il est utilisé pour quoi? Pour quelque écoute, écoute après inchallah moi si vous voulez on va se faire ensemble. Hein? Concentrez-vous sur tout ce que je dis. Et هذا on l'utilise pour quoi? Pour faire un signe vers une chose qui est quoi? Singulier masculin. C'est-à-dire quoi singulier Mohamed? Singulier, qu'est-ce que ça veut dire? C'est une chose unique. Et masculin? Tout le monde sait ça veut dire quoi? Taïb. Faut pas avoir honte les frères, hein. On est entre nous. Si quelqu'un y a des termes qu'on ne connaît pas, Inch'Allah, il n'y a pas de mal, alhamdoulilah. Taïb. Alors on a dit quoi? On l'utilise pour quoi? Mufrad, mudhakkar. Taïb. Est-ce que je peux dire ça? Ça veut dire par exemple, Hada bintun. Bintun. Bint, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi une bint? C'est-à-dire une fille. Maison. La maison c'est Beitun. Et une fille c'est Bintun. Hada. Pourtant c'est singulier. J'ai dit une fille. C'est quoi le problème là? C'est pas le masculin. Voilà. Très bien. Vous avez compris là? Il y a une chose qui est quoi? C'est masculin. Mais il nous manque quoi? C'est-à-dire, c'est, il y a le singulier. Mais il nous manque quoi? Le masculin. J'ai dit Hada Bintun. Alors que Sawa Mahwa Hada Waladun. Hada Beitun. هذا مسجد. C'est compris? Et reste une chose à savoir également, barakallahu fik, c'est quoi? هذا يستعمل للقريب. C'est-à-dire quoi? Il faut que la chose elle soit proche. Tu dis pas par exemple Mohamed, il est à 300 500 mètres, tu dis هذا Mohamed. Là, on va voir comment utiliser un ism ishara للبعيد. هذا ça doit qu'est-ce que c'est? Ouais, ça arrive inchallah. Masculin, singulier, proche. Voilà, masculin, singulier, proche. Tu veux savoir quoi? Comment? Yustamel il qarib. Le qarib, c'est dire quoi? Quelque chose de proche. Yustamel. Yustamel âgé, c'est quoi? L'utiliser. Taïb, Inch'Allah? Tu dis Hada Waladun. On a le Marwan, il est devant moi, je dis Hada Waladun. Hada Marwan. Mais si Marwan, par exemple, il aurait été à quoi? 500 mètres, ça aurait été fou de dire quoi? Hada Marwan. Et Marwan, il est Wa Ba'id. Mais il faut Hada, Dalika Marwan. C'est compris ça, Inch'Allah, Mohamed? Wahbi, Bilal, Taïb. Une dernière chose, Wafil Ghalib, on l'utilise pour une chose qu'on voit. Taïb. On l'utilise pour une chose qu'on voit. Comment? En arabe, ça dit quoi? Al Ghalib, c'est-à-dire la majorité du temps, c'est utilisé pour une chose qui est perceptible, qu'on voit. Taïb.